Vous aimez l'histoire? Vous voulez transmettre cette passion à vos enfants, à vos petits-enfants? Alors entrez dans la bibliothèque à remonter le temps. La nouvelle collection que vous attendiez. Les plus grands historiens, des ouvrages clairs, courts, illustrés, qui racontent notre passé pour donner sens à aujourd'hui et à demain. La bibliothèque a remonté le temps, l'histoire pour tous, aux éditions du Cerf. Premier tome paru, le néolithique, les vikings, les dieux égyptiens, de Gaulle. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. De quoi un peintre a-t-il besoin pour réaliser une toile? Bah, d'une toile déjà, de couleurs, de pinceaux ou de couteaux et pas nécessairement de talent. Mais de quoi a-t-il besoin pour vendre sa toile? Ah, d'acheteurs, bah oui, bien sûr, de mécènes, de collectionneurs et pourquoi pas d'un marchand d'art. Car au 19e siècle, en parallèle du salon officiel, d'autres canaux se développent pour le commerce de l'art. Paul Durand-Ruel est marchand d'art, celui des impressionnistes. Dans son domaine, c'est un artiste. 650 000. 700 000. Les premiers acheteurs de l'impressionniste étant les Américains, n'est pas les Français. Il n'était plus question de bataille de héros, il n'était plus question de déesses jambes en l'air sur des nuées. Alors évidemment, ça les déconcertait, ça leur semblait affreux. Monsieur Durand-Ruel permettait tout de même à mon père et à ses amis de manger, ce qui est assez nécessaire. J'ai rêvé New York. J'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York City se résonne. J'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York. Petit clin d'œil à Yves Simon, car nous partons aujourd'hui à New York en compagnie des impressionnistes. Bonjour Flavie Durand-Ruel. Bonjour Xavier. Flavie Durand-Ruel, vous êtes de la famille? Oui, c'est une chance. Je suis l'arrière-arrière-petite-fille de Paul Durand-Ruel. Et pour évoquer cette grande figure de l'histoire de l'art, Félicie Faisan de Maupoux, bonjour. Bonjour. Était-il une évidence que Paul Durand-Ruel devienne marchand d'art? Pas du tout, ou peut-être énormément. Ses parents, en fait, Jean Durand et principal employé d'une papeterie appartenant à Marie Ruel. Jean Durand et Marie Ruel tombent amoureux, s'épousent, unissent leurs deux noms et vont avoir l'idée d'étendre la sphère des objets vendus aux matériaux d'artistes. Paul Durand-Ruel, lui, veut être missionnaire ou militaire, n'a aucune envie de suivre les pas de ses parents. Et c'est plutôt par devoir, dans un premier temps, qu'il va craquer et surtout suivre la mission que son père lui demande de suivre. Oui, une histoire familiale, on l'entend bien. D'ailleurs, vous êtes là aujourd'hui. Et puis, de toute façon, cette histoire est celle de transmission. Félicie Faisan de Maupoux, vous rappelez hein, l'état de ce marché de l'art au 19e siècle. Si on se place au milieu du 19e siècle, on est dans un monde complètement différent de ce que ce sera à la fin du siècle. Oui, tout à fait. Il faut vraiment voir que le 19e siècle est un siècle de très très grande évolution. Ça a été déjà dit au cours de la semaine. On passe d'un marché assez fermé, un marché très institutionnalisé finalement, avec des carrières institutionnalisées, des artistes qui passent par différentes étapes et essentiellement le salon, qui est un des seuls débouchés pour les artistes. Un marché beaucoup plus ouvert, un marché qui est régi par notamment la figure du marchand, en lien également avec la figure du critique, et dans lequel, bien sûr, il ne faudrait pas oublier l'artiste, ce qu'on a pu parfois tendance à faire, qui est lui aussi devient un véritable acteur de sa carrière. Oui, parce que c'est ça, c'est une histoire de carrière. Le peintre veut vendre ses toiles ou veut être exposé, mais c'est sûr qu'il y a l'obligation de manger à un moment. C'est pas simple, vous venez d'évoquer cette carrière, ce salon, ça veut dire passer au salon officiel pour avoir ensuite au mieux des commandes officielles ou sinon attirer les élites, en tout cas ceux qui ont de l'argent. Mais oui, tout à fait. Il faut bien savoir que, voilà, on peut se proclamer ou s'auto-proclamer artiste, mais si on ne vend pas, ça ne vous fait pas manger, effectivement. Et les impressionnistes ont vraiment été confrontés à cette problématique au début de leur carrière. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de rentrer dans le système officiel, de participer au salon. D'ailleurs, ça marchera, hein, pour Monet notamment, pour Renoir. Leurs premières toiles sont plutôt bien acceptées. Mais plus ils avancent dans l'audace de leur esthétique, plus ils cherchent, la peinture claire, la touche, et plus le marché officiel va se détourner de leur travail, ils vont être rejetés par le jury, et donc là ils se retrouvent dans une impasse complètement de savoir où trouver des débouchés, comment exposer ses œuvres et à qui les vendre. Et la première exposition des peintres impressionnistes en 1874, leur exposition à eux en parallèle du salon, c'est quand même pas un franc succès, hein. C'est sacrément culotté, mais pas vraiment un franc succès. Il y a quand même pas mal de critiques positives, mais les critiques négatives sont tellement acharnées et assez comiques, finalement, que c'est celle-ci qu'on retient. Ouais, et puis, ils ne vendent pas beaucoup d'œuvres. Non, pas grand-chose. Ils ne rentrent pas dans leurs frais. C'est une société anonyme qui se constitue avec chacun une part. Ils amènent de l'argent. Et à la fin, quelques monnaies se vendent, mais certainement pas les plus beaux ou les plus grands. Et c'est un flop, mais une vraie reconnaissance pour leur mouvement, ou en tout cas pour leur sortie. Et puis, ça coûte cher de peindre, parce que vendre, c'est difficile, mais il faut acheter du matériel. Mon arrière-grand-père, Jean-Marie Fortuné Durand-Ruel, a commencé à Paris vers 1803 comme marchand papetier. Ils avaient une papeterie rue Saint-Jacques, au 174 rue Saint-Jacques, à côté du Panthéon. Et ils avaient une clientèle de peintres ou d'aquarellistes qui, quelquefois, ne pouvaient pas payer en espèces et payaient en donnant une aquarelle ou une peinture. Et la papeterie Durand-Ruel s'est transformée en galerie de tableaux. Mon arrière-grand-père a soutenu déjà tous les peintres du début du XIXe siècle, Corot, Delacroix, Courbet, Daubigny, Diaz. Et en 70, mon grand-père a rencontré Daubigny qui lui a présenté Monet et Pissarro. Et deux ans plus tard, Monet lui a présenté Renoir. Et c'est à partir de 1872 ou 73, ou début 73, que mon grand-père a été en contact avec Renoir. Et depuis ce temps-là, nous avons soutenu et défendu l'école impressionniste. Histoire de famille, je vous disais, Charles Durand-Ruel qui s'exprimait en 1968. Flavie Durand. Oui, Charles, mon grand-père, qui parlait lui-même de son grand-père Jean. Et en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que la première bataille en fait, des ancêtres était de faire reconnaître l'école de Barbizon, qui était un peu les premiers à peindre en extérieur, avec une force incroyable, une touche beaucoup plus spontanée, et des paysages sublimes. Théodore Rousseau, l'Angélus de Millet, Corot, tous ces peintres fantastiques, Jules Dupré. Et c'est en fait, comme on le rappelait tout à l'heure, c'est une histoire d'homme et d'être humain. C'est-à-dire que les peintres sont face à la toile, ils doutent, ils peignent, ils se reculent, ils s'avancent, ils osent, et il faut que quelqu'un aime leur travail, le défende, et ces artistes de l'école de Barbizon, qui seront appelés ultérieurement l'école de Barbizon, vont montrer le chemin aux impressionnistes. Quand on regarde un coucher de lune sur les moutons de Millet, ça annonce vraiment l'impression soleil levant. Et Paul Durand-Ruel dira très modestement que c'est vraiment, et réel, c'est la réalité, c'est les artistes de l'école de Barbizon qui vont l'amener à avoir l'œil pour les impressionnistes. Pour lui, ça coule de source, il fait confiance en ses artistes. Ah, une histoire humaine, moi j'aime beaucoup cette idée-là parce que on l'entend bien ici, ces artistes qui vont dans la boutique où ils vont acheter alors le tube de peinture, ce qui est une nouveauté, les palettes, les toiles, qui vont acheter tout leur matériel et ils rencontrent un commerçant qui est le lien avec tous ces gens-là, c'est le cas des parents de Paul Durand-Ruel. Cette histoire très incarnée, on sent bien qu'elle est aussi dans cette mythologie qui se construit autour de ces peintres impressionnistes ou ceux qu'on a surnommés de la bohème, avec des grandes figures de marchands d'art qui exposent de temps en temps des tableaux qu'on leur laisse d'ailleurs. Oui, tout à fait. Il faut voir que le marché de l'art, comme je le disais, était en train de s'organiser. Donc on a vraiment des marchands qui ont pignon sur rue, qui font d'ailleurs aussi beaucoup fonction d'exposition. C'est comme ça que vont commencer les expositions un peu parallèles à côté du salon. On commence à exposer quelques toiles dans les vitrines des marchands. Et on a donc ces marchands comme Durand-Ruel qui sont déjà bien installés. Mais on a aussi toute une foule de petits marchands comme le Père Tanguy, qui sont voilà justement ces marchands de couleurs qui font double, qui ont cette double casquette d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'ils fournissent les artistes en matériel, mais qui vont aussi leur prendre quelques toiles, les revendre. Et c'est vrai que c'est tout un petit réseau comme ça qui se met en place autour de ces premiers impressionnistes et qui vont tout simplement, comme on le disait, leur permettre de vivre. Parce que c'est vrai que quand on parle du marché de l'art, certes, il y a toujours une préoccupation commerciale, mais c'est vrai que dans ces débuts de l'impressionnisme, comme vous le disiez, c'est une histoire d'homme, une histoire de passion. Il y a quand même vraiment la volonté d'aller soutenir une peinture novatrice envers et contre tout. Et c'est vrai que Durand-Ruel est certes un marchand, mais un marchand qui s'est véritablement battu pour les artistes auxquels il croyait. Et c'est le cas des parents de Paul Durand-Ruel, Jean-Marie Fortuné Durand et Marie-Ferdinande Ruel. Dites-nous d'ailleurs, pourquoi a-t-il coller son nom à celui de sa mère. Son père, c'est Durand, sa mère, c'est Ruel, il devient Durand Ruel. Oui, alors en fait, ce sont ses parents qui unissent ces deux noms et qui ne vont pas le légaliser. C'est lui, Paul, qui va le légaliser 50 ans plus tard. C'est assez normal et ça arrive souvent à cette époque. Et Durand, c'est un nom assez sympathique, mais Durand Ruel, c'est encore plus reconnaissable. Bah oui, c'est ça. Et puis, dès qu'il est question de commerce, bien sûr, on voit très bien que l'identification est importante. Durand Ruel, on a ici des marchands qui réussissent, on peut le dire. Les parents de Paul Durand Ruel, c'est une vraie réussite et ils commencent déjà eux-mêmes à faire un peu de commerce d'art. Oui, alors c'est fantastique parce qu'en fait, ils vont accepter en tant que fournisseurs de matériaux pour les artistes, d'échanger des toiles vierges contre des toiles peintes. Les artistes qui ont très peu de moyens sont ravis de pouvoir échanger leurs toiles peintes dans ce magasin qui les accepte. Il va aussi commencer par exposer les aquarellistes anglais très à la mode à l'époque, nouvelles techniques, nouveaux marchés, nouvelles clientèles. Et il va exposer aussi Géricault. Et donc, petit à petit, le premier génie, c'est vraiment Jean Durand. Et grâce à sa femme Marie Ruel. Il ne faut pas oublier, les femmes, elles sont excessivement importantes dans l'histoire des impressionnistes. Ouais, et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est très bien d'avoir accolé ce nom de la maman Ruel à celui de Durand en 1831. Les parents Durand et Ruel ont un enfant, c'est le petit Paul. Alors, quand on est marchand comme ça et que l'on a un enfant dans ces années 1830, quel destin lui imaginer ? Parce que va-t-il prendre la succession familiale ? Peut-être une autre voie. Fils de parents très religieux et très désintéressés, j'avais reçu une éducation qui m'avait donné l'horreur de l'argent et le respect de ceux qui combattent pour leur foi. Je détestais le commerce et je voulais être missionnaire ou soldat. J'ai même été reçu à Saint-Cyr, mais les circonstances m'ont obligé à donner ma démission et à continuer la carrière de mon père. Je m'y suis trouvé un autre champ de bataille que celui auquel j'avais songé. Les armes y sont moins meurtrières, mais les luttes aussi acharnées, aussi rudes et aussi passionnantes. Maintenant, je vois mes amis honorés, aussi bien ceux de la génération de 1830 que ceux de l'école nouvelle. Les principes que je défendais, acceptés et propagés par ceux-là même qui les avaient le plus combattus. Paul Durand Ruel, dans ses mémoires du marchand des impressionnistes qui est publié chez Flammarion, on trouve cette petite note des archives familiales, très intéressant d'ailleurs, cette idée que le combat du marché de l'art s'apparente à ce qu'il avait imaginé comme premières études, c'est-à-dire des études militaires. Oui, c'est assez surprenant, missionnaire ou militaire, et il sera finalement les deux, mais avec une arme beaucoup plus douce qu'est le pinceau, qui pourtant, quelquefois, est très fort, comme on a pu le voir à travers les différentes créations des peintres. Dans ce que vient de nous lire Thomas Beau, ses mémoires du marchand des impressionnistes Paul Durand Ruel, on a ici ce qu'est réellement ce marché de l'art au 19e siècle. Mais il y a tout à construire, on l'a dit tout à l'heure, vous nous l'avez expliqué, Félicie Faisan de Maupou, on est dans un monde où les lignes sont en train de bouger. Dans ces années 1860, 70 plus encore, on sent bien que le salon est contesté, l'Académie des Beaux-Arts n'a plus autant de poids qu'auparavant, et donc apparaissent ceux qui existaient déjà, mais avec une autre place, ceux qu'on va appeler les marchands d'art. Oui, tout à fait. Il faut voir que c'est un monde qui est en train de se transformer. Et en fait, les différents acteurs qui prennent part à ce monde-là participent à cette transformation. C'est comme un train en marche d'une certaine manière. C'est-à-dire que depuis effectivement la première moitié déjà du 19e siècle, il y a énormément de critiques qui sont adressées au salon. Pourquoi ? Essentiellement à cause du jury qui barre l'entrée du salon et qui est garante d'une tradition dite académique. Alors, il ne faut pas imaginer que la tradition académique est complètement figée. Hein. L'art a évolué au cours du 19e siècle. Mais voilà, malgré tout, il y a certains principes qu'il faut suivre, comme une touche très lisse. Hein. L'artiste doit s'effacer derrière le travail pour ne pas voir l'artisan en lui. Voilà, on est sur un travail d'atelier avec une lumière très, très uniforme. Et donc, si vous ne rentrez pas dans ce cadre-là, si vous ne répondez pas à ces critères, vous ne pouvez pas exposer. Sauf que la carrière d'artiste devient une carrière de plus en plus enviable, respectable dans la seconde moitié du 19e siècle. Donc vous avez de plus en plus de jeunes gens qui se rêvent artistes. Donc vous avez à un moment donné tout simplement un problème quantitatif, trop de jeunes gens qui veulent devenir artistes et un système qui ne peut pas les absorber. Donc forcément, devant ces coups de boutoir, on va dire, de cette jeune génération qui arrive et qui ne peut pas prendre sa place, il faut, ça déborde d'une certaine manière, et c'est là qu'un système parallèle se met en place, c'est là que effectivement des nouveaux acteurs prennent en charge les aspirations de ces artistes, donc avec des marchands, avec des initiatives d'exposition parallèle, avec des critiques qui commencent à écrire aussi sur ces jeunes artistes, dont font partie les impressionnistes. Et de nouveaux acheteurs aussi potentiels, parce que la société est vraiment en train de se transformer. C'est la société de l'industrialisation. Bien sûr, effectivement, c'est une société bourgeoise qui est en train de se mettre en place dans ces beaux appartements haussmanniens qu'il faut décorer, qu'il faut meubler. Et donc, on est à la recherche de tableaux qui vous évoquent votre vie, de tableaux qui vous évoquent vos villégiatures sur la côte normande et que vous pouvez accrocher chez vous comme des fenêtres ouvertes. Donc, des tableaux pas forcément trop grands, des tableaux qui sont aussi accessibles, parce que c'est une classe bourgeoise qui commence à avoir des moyens, mais qui n'a pas forcément les moyens d'acheter les gloires du salon non plus. Donc on va y avoir une rencontre effectivement avec ces nouveaux collectionneurs, qui là aussi sont quelques-uns au début, mais qui ont une certaine foi chevillée au corps, qui vont être attirés par cette nouvelle peinture, et on a tout ce petit réseau, les marchands, les collectionneurs, les critiques et les artistes, qui vont dialoguer ensemble et construire la réussite future, bien après, de l'impressionnisme. Oui, dans ce Paris en pleine transformation, hein, c'est le Paris d'Haussmann, le Paris avec ses grands travaux d'urbanisme. Et si nous nous baladons dans ce Paris, nous pouvons nous arrêter un petit moment rue Lafitte. Arrivant à Paris, vers ma 18e année, pour y faire mes études de droit, je courus au musée du Louvre. C'était en 1885, un après-midi que je venais de regarder longuement les tableaux de Claude Lorrain, quand les gardiens crièrent leur retentissant « On ferme !», je me jetai au hasard dans Paris que je ne connaissais pas encore. Bientôt, je me trouvai dans une rue dont j'ignorais le caractère, la rue Lafitte, qui était alors comme le quartier général des marchands de tableaux. Et, dans la vitrine de l'un d'eux, dont le nom ne signifiait rien pour le jeune provincial que j'étais, la maison Durand-Ruel, j'eus la surprise de voir plusieurs toiles où, sur des motifs de la vie moderne, je remarquais des éclairages, certes avec plus de fraîcheur, d'intensité et de vibration, analogue à ceux que je venais d'admirer dans l'étoile de Claude Lorrain. Fort intéressé, j'entrai dans le magasin et demandai ce que c'était ces tableaux. Je n'avais certes pas l'air d'un broyard au volumineux portefeuille. Néanmoins, l'employé n'était pas accoutumé à tant de curiosité fougueuse. Aussi me répondit-il avec empressement, « Ce sont des œuvres de messieurs Claude Monet, Renoir, Camille Pissarro, Degas, Sisley, Cézanne, Guillaumin, tous grands peintres impressionnistes. Mon juvénile enthousiasme plut à M. Durand-Ruel. Peu à peu, il me présenta au peintre de son choix, qui, pour les mêmes raisons sans doute, voulurent bien me témoigner de la sympathie. Dites donc, on était bien accueillis chez M. Durand-Ruel dans ces années 1880. C'est le témoignage de Georges Lecomte, homme de lettres, critique d'art. Au moment où il parle, en 1950, il est secrétaire perpétuel de l'Académie française. La galerie Durand-Ruel. Flavie Durand-Ruel, vous êtes historienne de l'art. Vous avez publié autour de tout ce monde des impressionnistes, et notamment Hommage à l'impressionnisme, Paul Durand-Ruel, marchand et ami des impressionnistes. C'est quoi une galerie d'art dans ces années 1880 ? Une galerie d'art dans les années 80, c'est un accrochage déjà allégé par rapport à l'accrochage des salons, où on voit les tableaux du sol au plafond les uns à côté des autres. À la galerie Durand-Ruel, on va doucement vers deux alignements, deux lignes de tableaux, puis par la suite une seule ligne. C'est faire confiance aux artistes qui vont installer en général leurs propres expositions. C'est aussi les promouvoir d'une manière monographique, c'est-à-dire un seul artiste, exposition en solo, plutôt que des expositions de groupe. Ainsi, en 1883, il va exposer Boudin en février, Monet en mars, Renoir en avril, Pissarro en mai, et Sisley en juin, à chaque fois entre 50 et 150 tableaux. Fantastique. Les artistes sont paniqués d'affronter la critique seule et non en groupe. Durand-Ruel ne s'attendait pas à cette difficulté supplémentaire. Et c'est un passionné qui soutient ses artistes, qui leur verse une somme mensuelle pour que l'artiste n'ait pas la crainte du lendemain. Et il va acheter quantité de tableaux. C'est-à-dire qu'avant tout, il croit en ses hommes, leur travail, il va acheter 200 Manet, 1000 Monet, 1500 Renoir, 800 Pissarro, 400 Cassatt, 400 Degas, 400 Boudin. Il va pas les vendre. Il va lui falloir plus de 20 ans pour gagner la reconnaissance. Il va frôler la ruine à plusieurs reprises et il va être traité de fou. Ah bah oui, mais il y a de la folie dans sa démarche qui est vraiment innovante. Hein. C'est ça qu'il faut souligner, parce que nous parlons beaucoup de Paul Durand-Ruel comme le marchand d'art des impressionnistes, mais en disant ça, on ne montre pas toutes ces innovations. Oui, tout à fait. Et dans ce que vient de dire Flavie, il y a vraiment deux éléments qui sont absolument essentiels. C'est la question des expositions personnelles. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous paraît absolument banal d'être convié à une exposition d'un seul artiste. Il faut voir que c'est extrêmement novateur à l'époque. Encore une fois, le monde de l'art se transforme en profondeur au 19e siècle, à une époque où vous n'avez que le salon pour venir voir des œuvres, et tout d'un coup vous avez une multiplication presque exponentielle. Hein. La critique d'ailleurs en rigole en disant il faudrait une journée du purgatoire pour faire toutes les expositions qui sont ouvertes en ce moment, avec une saisonnalité qui se met en place. Et donc effectivement, on se met à exposer seul, et c'est très important parce que c'est la primauté du lien de l'artiste à son œuvre qui va pouvoir être transmise au public. Il s'agit de montrer la démarche esthétique de l'artiste. Et bien sûr, pour le marchand, il s'agit aussi de vendre. Hein. C'est toujours cette ligne qui est intéressante, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas faire ni des marchands, ni des artistes de l'époque de purs stratèges, même s'ils le sont. Mais ils sont toujours sur cette ligne de crête entre préoccupation commerciale et préoccupation artistique, défense de l'impressionnisme, et il faut vendre, donc s'adapter à son marché. Donc déjà les expositions individuelles, et puis la notion d'exclusivité que Durand-Ruel a essayé de mettre en place avec un certain succès sur ses artistes, c'est-à-dire d'acheter énormément, d'acheter en stock, constituer des stocks de ses artistes. Alors certes, pour leur permettre pour les aider au début, mais c'est vrai que même si ça l'a presque mené à la banqueroute au cours de sa très longue carrière, c'est ça aussi qui lui a permis de vivre très longtemps sur ce courant impressionniste, hein, puisqu'il avait, il a pu, pardonnez l'expression, arroser le monde entier de toiles impressionnistes qu'il avait dans son stock. Et les marchands après lui vont reprendre un peu toutes ces méthodes. Il met en place vraiment un certain nombre de choses du marchand moderne. Flavie Durand-Ruel, mais oui, le stock que vous venez d'évoquer, il fait frémir tellement. C'est un nombre considérable de chefs-d'œuvre. Oui, c'est un nombre considérable de chefs-d'œuvre, mais c'est un marchand avant tout et un passionné. Donc en fait, quand il commence à acheter les impressionnistes, il n'en vend pas du tout. Pendant très très longtemps. Il arrive à les soutenir uniquement parce qu'il vend les toiles de l'école de Barbizon. C'est ça qui lui fait rentrer des fonds. Il faut savoir que Paul Durand-Ruel n'achète jamais aucun immeuble. Tout l'argent qui rentre est redonné et reversé aux artistes. C'est toujours l'art. Et non seulement l'exclusivité dont vous venez de parler, Félicie, est importante, mais c'est cette passion aussi, et de faire passer l'art avant toute chose. Alors oui, il va commencer à vendre à partir des années 1890-86 à New York, mais c'est une foi sans faille. C'est quelqu'un de très classique, catholique convaincu, catholique pratiquant, allant à la messe tous les jours, monarchiste convaincu alors que la République s'installe en France, qui va défendre les artistes, quelles que soient leurs idées politiques ou leurs croyances religieuses, parce que pour lui, l'art passe avant tout. Donc quand Courbet est arrêté et accusé d'avoir été responsable de la chute de la colonne Vendôme lors de la Commune, Paul Durand-Ruel va cacher en toute illégalité les œuvres de Courbet pour qu'elles ne soient pas réquisitionnées par l'État français. Donc il va défendre Monet qui est monarchiste, Courbet qui est communard, Pissarro qui est anarchiste juif. L'art passe avant tout. Et c'est juste un message fantastique. Et puis il est marchand d'art aussi, parce qu'on parle beaucoup des impressionnistes, mais pour Paul Durand-Ruel, il y a des œuvres à vendre. Hein. Ça circule pas que des impressionnistes. On va trouver autre chose. Oui, tout à fait. Il va continuer, il va poursuivre. Alors, c'est vrai que vous voulez certainement me faire parler de Delacroix, c'est son coup de cœur en 1855. Quand il commence la carrière de marchand par devoir auprès de son père, il n'est pas du tout convaincu qu'il veut faire ça. Il voit que ses parents ont chaque fois une fin de mois quand même assez difficile, même si la galerie s'est établie. Ce n'est pas de la nourriture, c'est de l'art, c'est de la créativité, c'est de la liberté. Ce n'est pas une nécessité, bien que ça l'est vraiment. Et c'est en 1855, lors de ces salons, qui sont quand même très éducatifs finalement, que Durand-Ruel tombe en admiration devant les tableaux de Delacroix, où il y a plus de 25 tableaux dans une même salle, et là il se dit, j'ai compris, j'aime cet art, j'aime ce travail, je vais défendre les artistes en qui je crois. Oui, c'est ça. Hein. Cet amour de l'art, il est toujours très difficile à cerner pour l'historienne, hein, Félicie Faisan-de-Maupeou. Vous êtes historienne de l'art, chercheuse à l'université Paris-Nanterre. Collectionner l'impressionnisme, le rôle des collectionneurs dans la constitution et la diffusion du mouvement. C'est un ouvrage que vous avez co-dirigé avec Ségolène Le Menn, par exemple. Dans cette recherche-là. C'est vrai que les traces que vous avez permettent pas de connaître le goût. Alors, on le voit à partir d'où quand il s'agit d'un marchand d'art. À quel moment commence la défense de l'art et à quel moment commence le commerce ? Alors effectivement, c'est une question très difficile. C'est aussi la question des sources. Moi, je me suis beaucoup notamment appuyée sur les correspondances d'artistes, des artistes, des impressionnistes avec Durand Ruel sont très nombreuses. Il faut voir qu'au XIXe siècle, on s'écrit presque quotidiennement. Donc on a vraiment une masse comme ça qui est très importante et qui est particulièrement instructive justement pour voir ces relations humaines qui se nouent entre eux et encore une fois toujours ce fil parce que toute la première partie de sa carrière, par exemple, Monet passe son temps à réclamer de l'argent à Durand Ruel, qui essaye tant bien que mal de lui en donner dans la mesure de ses moyens. Et après, quand il est un peu plus installé, Monet, il prend aussi quand même conscience. Monet est pour le coup un très fin stratège de sa carrière. Il prend conscience de la valeur de ses œuvres et on a comme ça des échanges épistolaires autour de certaines expositions, comme par exemple l'exposition, alors là bien plus tardive, des Nymphéas, ou même des cathédrales auparavant, quand il commence à travailler en série, ou Durand Ruel essaye d'acheter une série complète, parce qu'évidemment, il les trouve magnifiques, il a conscience du geste artistique exceptionnel qu'a fait Monet, et en même temps on a aussi conscience du prix de ses toiles, et donc l'artiste et le marchand débattent par lettre interposée pour chacun essayer de défendre ses intérêts, mais tout ça dans tous les cas de figure autour d'une peinture qu'ils aiment. Oui, voilà, c'est ça, hein, une peinture qu'ils aiment et une peinture qui peut plaire, alors qui peut plaire à un public acheteur très bien, et parfois tout simplement un collectionneur. Attention, archive 1903, un baryton. Le crucifix d'après Victor Hugo par Jean-Baptiste Faure, enregistrement de 1903, un baryton. Mais que vient faire un baryton, Félicie Faisan de Maupoux, dans cette histoire de peinture ? Ah bah, il faut voir que les premiers collectionneurs des impressionnistes ont toutes sortes de casquettes et viennent d'horizons assez différents. Donc on va avoir effectivement Faure, baryton, on va avoir des médecins comme de Béliot, on va avoir également des banquiers comme Camondo, des industriels comme Augedé. Donc on a effectivement tout un petit groupe comme ça, mais qui n'est pas uniforme, si je puis dire, qui va défendre à la hauteur de ses moyens. Et puis on va aussi avoir les artistes. Hein. Il faut voir que tous les artistes impressionnistes viennent de familles plutôt bourgeoises. On pense évidemment à Caillebotte, qui va avoir un rôle très important auprès de ses camarades au début de leur carrière, puisque lui-même va leur acheter des toiles qui vont leur permettre de vivre pendant quelques temps. Paul Durand-Ruel est-il collectionneur ? Oui. Oui, c'est toujours la question, hein, pour le marchand, ses œuvres, il les a pour lui, pour sa collection, ou il a pour le commerce ? Oh, il est tellement passionné, il achète et il ne vend pas. Il dit modestement dans ses mémoires, en réalité, ne me félicitez pas d'avoir une très belle collection, que d'ailleurs Georges Lecomte qualifiera de premier musée d'art contemporain, entre guillemets, parce qu'il ouvre gracieusement l'accès à son appartement pour mieux faire connaître le travail des artistes. Il dit que dans un appartement, c'est le meilleur écrin, ça vaut mille expositions parce que les gens s'assoient, regardent, apprennent, s'imprègnent. Et il dit modestement, en effet, que les plus beaux tableaux se trouvaient chez lui parce que souvent, c'était les plus audacieux, donc les plus difficiles à vendre. Quand on imagine que le déjeuner des canotiers de Renoir va rester dans sa salle à manger chez lui et que quand il y aura la danse à la ville ou la danse à la campagne de Renoir accrochée dans son salon, Durand Ruel, à certains moments, au moment les plus difficiles, pourra trouver des prêteurs pour lui avancer de l'argent sur la valeur des cadres, non des tableaux. Tellement les tableaux ne sont pas appréciés. Ah oui, c'est-à-dire que le cadre vaut plus cher que le tableau lui-même. Le cadre vaut plus cher que le tableau lui-même. C'est un bon conseil à donner aux collectionneurs d'aujourd'hui. Choisissez bien vos cadres. Mais ça, c'est vrai. Non, mais à force de ne pas réussir à vendre tout ce que l'on souhaite vendre en Europe, l'idée, c'est peut-être de traverser l'océan. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Emmène-moi. Flavie Durand-Ruel, à quel moment Paul Durand-Ruel commence-t-il à regarder du côté des États-Unis ? Alors, il va aller aux États-Unis assez tôt, dans la fin des années 1860, parce qu'il y a des collectionneurs américains qui vont venir à Paris, comme le monsieur Borry de Philadelphie, ou par la suite monsieur Probasco de Cincinnati, qui ont un coup de cœur pour les tableaux de l'école de Barbizon, qui vont ramener ça aux États-Unis. Aux États-Unis, on va leur dire cachez tout de suite ça, c'est abominablement laid, vous êtes fous. Alors, ces deux collectionneurs vont cacher, en effet, ou mettre dans leur réserve, et puis leurs descendants seront très contents de leur vendre plus tard, bien plus cher, l'école de Barbizon. Et quand en 78, Durand-Ruel voudrait investir les États-Unis, on le lui déconseille. Il va quand même exposer déjà des tableaux, il va envoyer des tableaux en 1883 à Boston, mais le départ incroyable, c'est 1886. Paul Durand-Ruel est au bord de la faillite et il a ce directeur de l'American Art Association, James Sutton, qui a vu les tableaux aussi bien dans l'appartement que dans la galerie, qui l'invite à exposer à New York. Et en plus, grande chance, il va payer le transport, la promotion, l'exposition qu'il fait dans ses galeries et il va pouvoir faire bénéficier le marché. Il ne va pas avoir à payer la franchise de plus de 30% à l'entrée aux États-Unis pour les tableaux. Et oui, parce qu'il y a ça hein, aussi. Il est en état, non pas de faillite, mais d'une certaine difficulté à ce moment-là. S'il va aux États-Unis, ce n'est pas pour être ruiné. Avec Félicie Faisant de Maupoux, vous le rappelez, des colonies de peintres venus des États-Unis en Europe depuis un bon moment. Hein, Barbizon, notamment, ça a beaucoup de succès. C'est un lien intense qu'il y a quand même entre les États-Unis et l'Europe, question art. Oui, il y a un lien très fort entre les États-Unis et la France, mais il faut bien voir que en fait la France et Paris particulièrement, c'est la capitale mondiale du monde de l'art au XIXe siècle. Donc en fait, tout part de Paris et tout le monde vient à Paris. Donc on a véritablement voilà les artistes viennent se former à Paris, les collectionneurs viennent acheter à Paris et donc on a ce dialogue qui se noue et effectivement depuis Barbizon et après ça se prolongera bien sûr avec la colonie de autour de Giverny, autour de Monet plus tard, mais donc il y a ce lien très fort avec les États-Unis. Mais c'est vrai qu'on est aussi dans un monde qui s'ouvre de plus en plus hein, le monde du 19e siècle s'internationalise et donc c'est vrai que cette stratégie aussi d'aller à l'étranger, c'est une stratégie que notamment Béatrice Joyeux-Prunel, une historienne de l'art, a bien démontré dans un de ses ouvrages de l'internationalisation des avant-gardes. C'est-à-dire que Paris, on a vu que c'était c'est la plaque tournante du monde de l'art, mais c'est un monde aussi assez fermé, avec des traditions très fortes, très lourdes à faire bouger. Et donc de partir à l'étranger, c'est aussi aller se confronter, et c'est vrai pour les États-Unis, à une société beaucoup plus nouvelle, où la tradition artistique est moins installé. Alors, c'est pas pour ça qu'ils sont forcément tout de suite plus ouverts, mais malgré tout, on a des collectionneurs, des industriels, voilà, tout un monde nouveau qui représente peut-être une nouvelle porte de sortie pour ces artistes qu'on n'arrive pas à installer à Paris. Et dans une société qui bouge énormément, vous venez de le dire, avec ces nouvelles élites de la finance ou de la banque, le choix des œuvres achetées, c'est aussi une posture sociale. Si on achète une œuvre du salon très académique, c'est pas la même chose que si l'on achète un tableau d'avant-garde. C'est aussi montrer quelque chose. C'est de l'ostentation, l'achat d'œuvres d'art. Ah ben clairement, on s'achète aussi, enfin encore une fois, dans ces premiers, mais dans ces toujours cette ligne de frontière, c'est-à-dire que dans ces premiers collectionneurs, il y a une vraie défense, parce que c'est quand même pas anodin d'aller vers ces artistes et cette esthétique qui n'est pas simple, mais clairement, avec les œuvres, on s'achète aussi un statut social, c'est-à-dire ne pas être seulement un pur industriel, uniquement dans le monde de l'argent, mais voilà, on s'élève effectivement socialement avec l'art. Et ce qui est intéressant en plus, c'est qu'aux États-Unis, à la fin des années 80, après 86, les avant-gardes et notamment l'impressionniste ont cette réputation justement de ne pas avoir maille à partir avec le marché, assez étonnamment. Et donc de se tourner vers eux, c'est aussi se tourner vers un art qui en plus ne trempe pas dans le marché. C'est ce qui est important hein, aussi, parce que l'art, le commerce, c'est toujours très difficile à associer. Pourtant, c'est indissociable. New York, ça, c'est la destination pour les impressionnistes. Monsieur Durand-Ruel, non seulement a exposé les tableaux des impressionnistes dans ses galeries, mais il en a acheté. Et ces quelques achats permettaient tout de même à mon père et à ses amis de manger, ce qui est assez nécessaire. Une aventure que mon père aimait à me raconter, c'est l'aventure de l'exposition de 1885 à New York. Juste avant, il y avait eu une exposition de mon père et de ses amis et de ses compagnons de lutte. Et cette exposition avait récolté la moisson habituelle de sarcasmes, de quolibets et même d'insultes. Et il y a même eu certains articles qui proposaient de faire arrêter ces peintres qui discréditaient le renom de bon goût de la France. Monsieur Durand-Ruel a décidé de tenter l'aventure de l'Amérique. Il a pris plusieurs centaines de tableaux qu'il a emmenés à New York. Cette exposition, à la grande surprise de Durand-Ruel, de mon père et de ses amis, a été un très grand succès. Les Américains ont acheté les tableaux et les ont fort bien payés. Cette aventure provoquée par M. Durand-Ruel père a peut-être sauvé ce mouvement de la peinture française. Il a permis en tout cas aux peintres de continuer à peindre. Jean Renoir, le fils d'Auguste Renoir, en 1969, qui s'exprimait là sur Durand-Ruel à New York, avec une conclusion qui n'est pas des moindres, de dire que sans doute Paul Durand-Ruel, en allant à New York, a sauvé la peinture française. Qu'en pensez-vous, Flavie Durand-Ruel? J'oserais dire qu'il a entièrement raison, mais c'est pas que Paul Durand-Ruel, c'est aussi tout un microclimat propice, le bon moment, le bon endroit, les bons artistes. Et quand il part, alors Jean Renoir parle de 85 parce que toute l'expédition à New York se prépare en 85. Durand-Ruel essaye de convaincre les artistes. Puvis-Chavannes, qui est pas un artiste impressionniste, mais refuse de voir ses tableaux partir aussi loin. Claude Monet dit qu'il a très peur de voir ses tableaux partir dans le pays des Yankees. Et Cassatt, l'artiste américaine, la seule artiste américaine du groupe, va juste être fantastique. Donc on a des excellents artistes. On a Durand-Ruel qui arrive en tant que défenseur de la nouvelle génération d'artistes, les collectionneurs américains ont déjà confiance en lui pour les artistes de l'école de Barbizon. Ces nouvelles fortunes qui se sont faites autour du chemin de fer, ou du sucre, des Havemeyer, ou de toute la sidérurgie, toutes les entreprises et les industries qui s'y rattachent, ont besoin, en effet, d'avoir un rôle philanthrope. Et en plus, ils n'ont pas été gâtés comme on a été en Europe. Et ils ont soif et faim d'une bonne manière, quelque part. Donc les impressionnistes arrivent, et Marie Cassatt, originaire de Pittsburgh, une famille bourgeoise, dont le frère Alexander est le septième président de la Pennsylvania Railroad, donc la compagnie de chemin de fer de Pennsylvanie, a beaucoup d'argent et connaît quand même toutes les nouvelles richesses. Donc c'est génial, on a les bons artistes, le Paul Durand-Ruel qui arrive en tant vraiment que missionnaire, qui est déjà connu pour avoir défendu l'école de Barbizon, donc les Américains se disent, on peut peut-être avoir confiance en lui. C'est la première fois en 86, reconnaissance officielle, tout le monde est d'accord. Les articles sont excellents. Un critique à l'époque dit c'est une des meilleurs événements, un des meilleurs événements artistiques que New York n'ait jamais vu. Donc c'est fantastique. Et certains collectionneurs qui avaient acheté l'école de Barbizon vont échanger auprès du Durand-Ruel les tableaux qu'ils ont achetés de lui, enfin chez lui, des écoles de Barbizon, pour les échanger contre des Monet ou des Renoir. D'accord, parce que là, il se passe quelque chose, on le voit bien à New York dans ces années 1880, et même pour les artistes, c'est un moment particulier de leur carrière. Claude Monet, l'exposition, une stratégie de carrière à l'avènement du marché de l'art. Félicie Faisan de Maupeou, ça, c'est ce que vous avez écrit, parce que c'est ça aussi pour artistes, hein, c'est faire carrière. Ah bah oui, tout à fait. Et c'est vrai que Monet, là-dessus, parmi les impressionnistes, est vraiment un exemple particulièrement intéressant à étudier, puisque Monet, alors il a eu une carrière très longue parce qu'il est mort assez tard, en 1926, mais il faut voir que la carrière de Monet, c'est 600 expositions. Alors dans ces expositions, il y a de tout, si je puis dire. Il y a des expositions de groupe, des expositions personnelles, des expositions dans lesquelles il est plus ou moins engagé. Mais ce qui est vrai, en tout cas, c'est que quand on étudie l'ensemble de ces expositions, on voit à quel point ça a toujours été des moments très marquants de sa carrière qui ont permis de faire décoller sa carrière, d'avoir des tournants. Sa première exposition personnelle en 1880 à la Galerie de la Vie Moderne, par exemple, c'est un moment très important. 1895, ça va être sa première exposition personnelle à New York, justement, on y était. Et donc, il va vraiment se servir de l'exposition pour promouvoir son œuvre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans l'exposition, c'est à la fois ce moment artistique, c'est vraiment un dialogue qui se noue entre lui, sa production et le public, et en même temps un moment effectivement de vente. Et en fait, en fonction des expositions, en fonction du moment où il en est dans sa carrière, on voit qu'il va soit s'allier avec très souvent Durand Ruel, hein, c'est quand même très souvent chez lui qu'il va exposer, et soit il expose des œuvres récentes qui sont encore à vendre. Donc là, on est vraiment dans l'idée de promouvoir sa production récente et essayer de la vendre. Et puis, il y a certains moments dans sa carrière où il va davantage demander des prêts à ses collectionneurs pour montrer comme ça l'éventail de son travail depuis le début jusqu'au moment où il en est. Donc, c'est vraiment toujours des moments essentiels d'une carrière d'artiste. Avec l'idée de monographie, d'exposition monographique, c'est-à-dire que ce mouvement qu'on imagine comme un groupe, ces jeunes gens qui ont transformé l'art et qui avancent main dans la main, de moins en moins main dans la main en fait. Oui, en fait, le moment véritablement de groupe est un moment assez court, hein. Mais ça s'explique aussi parce qu'il y a à la fois, c'était des amis qui avaient des préoccupations artistiques, esthétiques communes, hein. Ils ont peint ensemble, Basie, Monet, Renoir, Monet, ils ont peint ensemble côte à côte dans les années 60, début des années 70. Et puis, donc, réponse empirique à cette problématique de ne pas pouvoir exposer, ne pas pouvoir vendre les expositions impressionnistes. Et puis en fait, assez vite, certains, Renoir et Monet en premier chef, vont voir leur carrière un petit peu décoller. Et donc, ils ne vont plus avoir besoin du groupe d'une certaine manière. Et donc, ils vont se détacher. D'ailleurs, ils ne participent pas à l'ensemble des expositions de groupe. Ils reviennent au salon pour certains. Et ensuite, on a effectivement davantage cette stratégie d'exposition personnelle, même si ça aussi, toujours avec des expositions plus de groupes, que ça soit donc en France, dans les capitales européennes et aux États-Unis. Oui, parce qu'il y a plusieurs expositions des peintres impressionnistes qui durent depuis, alors la première de 1874, il y en a 7 en tout ensuite. On est d'accord, ça fait 8 en tout. Ces expositions d'ailleurs, elles sont organisées par qui? Comment ça se passe pour ces expositions qui suivent? On trouve pas tout le monde, c'est un monde assez complexe, ce monde-là de l'organisation d'une exposition en parallèle du salon, qui est de moins en moins officielle d'ailleurs. Alors la première exposition impressionniste en 1974 organisée par les artistes eux-mêmes, la seconde organisée par Paul Durand-Ruel qui a une nouvelle banque qu'il soutient pendant 2 ans, la Banque de l'Union Générale, et la deuxième exposition, d'ailleurs je vous invite vraiment à voir l'exposition au musée d'Orsay qui est fantastique et qui montre une affiche qui dit tout en un seul coup d'œil, qui est cette affiche d'une caricature dans le Charivari où on voit une femme enceinte qui veut entrer dans l'exposition et un gendarme qui l'empêche d'y entrer prétextant que ce serait dangereux pour sa santé. Donc l'exposition de Paul Durand-Ruel est très malvenue, la galerie est traitée de maison de santé mentale, les artistes y croient, le marchand aussi, et alors il y en aura 8 en tout, et ce qui est assez intéressant, c'est de voir en effet les artistes qui ne participent pas à toutes, et l'arrivée de Marie Cassatt un peu plus tard dans la troisième exposition, quatrième. Et en parallèle, qui expose en 1974 au Salon. Oui, parce que il y a ces figures, hein, qui s'individualisent, et on l'entend bien ici peu à peu, et notamment parmi ces grandes figures, Marie Cassatt. Elle a regardé le japonisme, les nabis, et même elle a regardé peut-être encore plus moderne Cézanne, encore plus moderne Picasso et Braque sur la toute fin de sa vie. On sent une femme très très moderne, en fait, une peinture extrêmement avant-gardiste presque. Elle se renouvelle continuellement, soit par les techniques, soit par les compositions. Elle est en recherche permanente, c'est une expérimentatrice, elle essaye des nouvelles directions. C'est tout sauf mièvre, elle a une peinture très ferme, elle a un style extrêmement construit, solide. Elle arrive à retranscrire la rêverie de ses enfants, leurs pensées un peu absentes. En 2018, Pierre Curie, le conservateur du musée Jacquemart-André, pour l'exposition Marie Cassatt, une impressionniste américaine à Paris. C'est vrai que Flavie Durand-Ruel, par tout ce que propose Paul Durand-Ruel comme marchand d'art dans ses galeries, et vous nous l'avez clairement expliqué, hein, ce sont les expositions monographiques, ce sont tous ces systèmes qui mettent en place en fait l'individu artiste. Il joue de la concurrence entre ces artistes aussi? Alors non, il joue pas de concurrence entre les artistes. Paul Durand-Ruel les aime, enfin ça paraît un peu cucu, mais les aime tous, les apprécie tous à leur force, enfin avec chacun leur force créative un peu différente. C'est peut-être que le Renoir est le plus doux, c'est plus des relations humaines très différentes, vous avez quand même des personnalités très différentes, Degas, Monet, Renoir, Cassatt, caractère fort, d'où ça dépend, et Durand-Ruel les aime tous et les défend tous. C'est vrai qu'avec Marie Cassatt, la relation est quand même assez unique est différente. Parce que Marie Cassatt, qui est une femme qui peint et qui dépeint avec des différentes techniques assez exceptionnelles, l'amour maternel, en fait, dépeint surtout la femme cueillant le fruit de la connaissance, s'éduquant, s'élevant, dans le bon sens du terme. La femme forte, finalement, tout en douceur. Et cette femme forte que Marie Cassatt est, va être fantastique. Non seulement, on l'a dit tout à l'heure très bien avec Félicie, qu'elle va ouvrir son carnet d'adresses et présenter toutes ses nouvelles fortunes issues de différentes industries florissantes de l'époque aux États-Unis, mais elle va être fantastique parce qu'elle va soutenir les impressionnistes, elle va les promouvoir, elle va être un soutien aux marchands. Les rôles s'inversent parfois. Quand Durand Ruel est au bord de la faillite, Renoir qui lui dit « casser les prix, c'est pas grave, nous vous ferons des meilleurs tableaux », c'est les artistes qui soutiennent le galeriste. C'est pareil, Marie Cassatt va même, paraît-il, avancer de l'argent pour que l'exposition de 86 ait lieu. Et quand elle présente ainsi les Américains, elle connaît Madame Havemeyer, qui épousera Monsieur Havemeyer, le roi du sucre, et elle va les convaincre. Elle ne touche aucune commission. Tous ces achats et tous ces ventes aux collectionneurs américains, M. Ryerson, M. Palmer, M. et Mme à chaque fois, de Chicago, sont convaincus par Durand Ruel et Cassatt. Et dans la correspondance là, que vous avez évoquée d'ailleurs tout à l'heure, Félicie, on apprend beaucoup de choses. On apprend la personnalité des personnages, des artistes, du marchand, et la stratégie, qui est une stratégie constructive, positive, et qui va de l'avant. Et cette stratégie, malgré tout, pousse les artistes à innover, parce que faut se distinguer de l'autre pour vendre, parce que si tout le monde fait la même chose, après on sait plus très bien qui fait quoi. Oui, tout à fait. Et surtout, ça me faisait penser quand vous parliez de concurrence, enfin de mise en concurrence par le marchand des artistes. En fait, c'est plutôt l'inverse. Quand plus les artistes avancent dans leur carrière, plus c'est eux qui vont finalement mettre en concurrence les marchands. Parce que c'est vrai qu'à côté de Durand Ruel, on l'a dit, hein, ce marché de l'art se développe énormément. Et Durand Ruel, qui a certes initié et soutenu l'impressionnisme à ses débuts, bah, ensuite, forcément, ça fait des petits, si je puis dire. Et donc, on va avoir d'autres marchands, évidemment, qui vont se mettre sur les rangs avec lui. Et donc, les artistes, et encore une fois, Monet, que je connais bien, va être un des premiers à le faire, va faire jouer la concurrence entre les marchands, avec, par exemple, Georges Petit. Georges Petit, qui est le très grand rival de Durand Ruel, qui est davantage un artiste qui au début s'occupe plutôt des gloires du salon. Il n'est pas réputé pour prendre beaucoup de risques. Et d'ailleurs, quand il va se tourner vers les impressionnistes, on est déjà passé 1880. Donc quand même, leur carrière n'est pas encore complètement... tout n'est pas gagné, mais ça va mieux pour eux, une certaine reconnaissance. Et c'est là où Renoir, Monet vont participer aux expositions internationales de Georges Petit, qui sont des expositions qui réunissent un petit groupe d'artistes. Donc c'est pas des expositions individuelles, mais c'est pas des très grosses expositions de groupe. Et c'est surtout des expositions qui ont un vernis, on voit, international, ça fait très chic, donc avec des artistes pas seulement français. Et à travers ce basculement et cette diversification des marchands, c'est aussi une stratégie que met en place les artistes pour justement ne pas apparaître comme uniquement attaché à un seul marchand, et pour pouvoir essayer de s'ouvrir d'autres marchés, d'autres types de collectionneurs qui n'iraient pas forcément justement chez Durand Ruel, mais qui iraient plutôt chez Georges Petit, par exemple. Bah oui, il y a un monde de concurrence, c'est évident. À partir de quel moment pour Durand Ruel, maintenant, c'est bon? Parce que moi, j'aime beaucoup de voir cette évolution. Félicie Faisant de Moupou, on a quand même commencé cette émission, vous nous avez dit il n'y a pas de marchand, et maintenant on en est, il y a de la concurrence entre les marchands. Je trouve ça formidable de voir en si peu de temps cette évolution. Pour Durand Ruel, c'est à partir de quand qu'il y a une vraie tranquillité avec tout son stock là, d'impressionniste? Ah, c'est pas tout de suite. Parce que le succès américain en 86 n'apporte pas tout de suite les retombées financières. Et Félicia a tout à fait raison. C'est-à-dire qu'en 86, quand Durand Ruel expose l'impressionniste à New York, certains artistes sont tellement inquiets. Ils disent, vous allez être confrontés aux mêmes difficultés. Et ils vont aller, à ce moment-là, exposer ces Georges Petit. Parce qu'ils se sentent abandonnés. Il faut savoir qu'il faut 3 semaines en bateau, que Durand Ruel arrive avec 300 tableaux, près d'un tiers est prêté par Caillebotte, Jean-Baptiste Faure, par certains collectionneurs. Et donc, il y a cette concurrence. Mais c'est tout... Ça serait le débat de notre émission. Mais Durand Ruel croit en l'exclusivité. Monet pense que par moment, il vaut mieux être plusieurs. Il va chez Georges Petit. Il s'aperçoit que Georges Petit brade plus les prix, que Durand Ruel, même en période de crise et de faillite, ne brade pas les prix. Pour lui, il ne faut jamais brader, même si on est complètement au bout du rouleau. Et du coup, Monet revient vers Durand Ruel, puisqu'il voit bien que, pour son intérêt à lui, c'est beaucoup plus important d'avoir un marchand qui va soutenir la cote envers et contre tout. Il aime ses tableaux, et en plus Durand Ruel, non seulement il aime les tableaux, il demande le prix aux artistes. C'est les artistes qui fixent les prix. Et même entre eux, les artistes se disent, demande à Durand Ruel de fixer les prix, parce qu'il dira des prix que tu n'auras même pas demandé. Donc Durand Ruel ne négocie pas les prix à l'achat, mais il veut soutenir la cote à la vente, ne veut pas brader. Et alors, en effet, Monet est le premier à avoir le succès, c'est vraiment la star, quelque part. Il a raison, quelque part, que l'exclusivité n'est pas forcément bien, parce que c'est aussi bien d'avoir la concurrence, de mettre en jeu et d'avoir d'autres lieux d'exposition. Et c'est vrai que on oublie que les marchands sont aussi très complémentaires. Ils s'associent parfois ensemble, parce que quand Monet demande des prix beaucoup trop élevés pour ses cathédrales, parce que là, il demande des prix aux alentours de 20 000 francs, on est beaucoup plus tard. Durand Ruel aurait exposé carrément toutes ses séries, sauf une ou deux. Et là, Durand Ruel s'associe avec Georges Petit ou avec d'autres. Donc en fait, les marchands entre eux s'entraident. C'est vraiment des relations de femmes, d'hommes et d'êtres humains qui aiment l'art. Vous venez de citer un prix, 20 000 francs. Nous sommes à un moment où ça y est, les tableaux impressionnistes ne sont plus accessibles aussi facilement. Quand on dit 20 000 francs, on est sur combien, 15 ans de salaire d'un ouvrier à peu près. Hein. Non mais c'est ça, ça y est, ce sont quand même des artistes qui ont la cote pour certains mais pas pour tous. Oui, tout à fait. Bah, passé 1900, on a vraiment l'institutionnalisation de l'impressionnisme qui est en marche, hein, qui a une vraie reconnaissance officielle avec l'exposition universelle à Paris, où il y a une salle qui est consacrée aux impressionnistes. D'ailleurs, au début, ils n'étaient pas forcément pour y aller, bah, un peu pour se venger d'une certaine manière du rejet initial. Mais oui, ce sont des artistes tout à fait reconnus. Ce sont des artistes qui mènent j'allais dire grand train, c'est pas exactement ça, mais il faut voir que voilà, ils accèdent à un statut bourgeois, donc ils ont aussi énormément, enfin ils ont des grosses dépenses. Hein. Monet a une très grande famille, Pissarro aussi. Et après, c'est il y a aussi tout simplement une question de temps qui va jouer pour eux, c'est-à-dire que pourquoi Renoir et Monet remportent plus de succès d'une certaine manière et sont encore un peu aujourd'hui sur le devant de la scène, c'est tout simplement qu'ils sont morts plus tard et donc ils ont bénéficié du succès installé par Durand Ruel et par tout ce réseau-là de l'impressionnisme. Et donc, à la fin de leur vie, effectivement, ils vont très très bien vendre leur toile, tout à fait. Et parce que Monet qui meurt quand même, pour le rappeler, en 1926. Oui, mais on oublie le temps parce qu'il y a des années qui passent. Une citation de Paul Durand Ruel qui dit « Si j'étais mort à 60 ans, je mourrais criblé de dettes parmi des artistes méconnus. Maintenant que j'avais 80 ans, ma folie était devenue sagesse et les artistes étaient enfin reconnus. » Donc moi, je trouve que c'est une histoire tellement génial à raconter à l'université ou n'importe où, parce que le succès qu'on veut hier pour demain ou pour après-demain, eh ben, il faut du temps et c'est ce temps qui a permis la reconnaissance et cette persévérance. Paul Durand Ruel qui meurt en 1922 à 90 ans, donc il a vu cette histoire dont il a été témoin et acteur. Et ça qui est très fort aussi, hein, c'est que il y a ce côté très imperceptible qu'on ne peut pas toucher, mais ces conversations qu'il a pu avoir avec tous ces artistes, c'est ce que l'on peut sentir éventuellement dans ses mémoires, hein, mémoire du marchand des impressionnistes, Paul Durand Ruel, que vous coéditez. Parce que il y a de ça, c'est très dur de savoir toutes ces correspondances aussi. C'est touchant de se projeter dans ce monde-là avec tous ces gens en connexion. Oui, tout à fait. Et par exemple, Monet, encore une fois, a donné beaucoup plus d'interviews que Renoir dans sa carrière. Renoir a été assez discret parce qu'il y a toute cette relation aussi à la presse qui est très importante. Et Monet, tout au long de sa carrière, va donner comme ça plusieurs interviews dans lesquelles il développe toute sa carrière. Et arrivé à la fin de sa vie, il va vraiment rendre hommage plusieurs fois à Durand Ruel en disant que voilà, c'est vraiment lui qui les a soutenus et qui leur a permis de passer ces premiers moments difficiles. Et ben voilà, par l'histoire, c'est une forme d'hommage à l'impressionnisme. Et je reprends le titre de votre ouvrage, Flavie Durand Ruel, Paul Durand Ruel. C'est celui qui nous a intéressés aujourd'hui, mais à travers lui, on peut revisiter l'impressionnisme et à travers vos ouvrages à toutes les deux qu'on retrouve sur le site internet lecoursdelhistoirefranceculture.fr. Merci beaucoup Flavie Durand Ruel et Félicie Faisant de Maupoux. Merci beaucoup. Merci beaucoup Xavier. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Pourquoi les travailleurs indochinois revendiquèrent-ils le statut d'ouvrier-soldat pendant la Seconde Guerre mondiale? Entre 1914 et 1918, le gouvernement français recruta plus de 90 000 travailleurs et tirailleurs indochinois réquisitionnés pour contribuer à l'effort de guerre. En 1939, renouant avec ce précédent, le service de la main-d'œuvre indigène, nord-africaine et coloniale, plus connu sous le sigle MOI, décida à nouveau de déplacer en métropole 20 000 travailleurs indochinois, auxquels s'ajoutèrent 7 000 soldats qui firent partie des 41 000 tirailleurs coloniaux engagés dans la guerre. Un quart de ces travailleurs furent rapatriés après la débâcle de 1940, mais les autres restèrent bloqués en métropole, certains d'entre eux jusqu'en 1952. Employés le plus souvent dans les fermes et les forêts, comme ouvriers non spécialisés. Un millier d'entre eux s'installèrent définitivement en métropole. Dans la thèse qu'elle leur a consacrée, Liemke Lugerne a décrit la souffrance extrême, matérielle et morale, de tous ces individus brutalement déracinés de leurs terres, confinés dans des fermes ou des usines, soumis aux préjugés racistes. Grâce à l'ampleur d'une recherche menée parallèlement en France et au Vietnam, elle a pu montrer que l'expression « travailleur indochinois », couramment employée jusqu'aujourd'hui, était une construction de l'administration coloniale qui avait servi à masquer la diversité des situations. Dans les entretiens qu'elle a réalisés avec ses anciens sujets indochinois, elle a constaté qu'ils se définissaient eux-mêmes comme des ouvriers soldats, lin to, expression qui n'est jamais présente dans le vocabulaire des fonctionnaires. Son ouvrage montre aussi le traumatisme durable qui a résulté de cet enrôlement. Le contrôle de l'administration coloniale sur ces travailleurs a contribué à modifier leur identité personnelle en laissant des traces indélébiles dans leur mémoire collective, puisque la plupart d'entre eux se souviennent aujourd'hui encore du numéro matricule qu'on leur a attribué lorsqu'ils ont été réquisitionnés pour aller en métropole. En regroupant dans une même catégorie ceux qu'elle appelait les travailleurs indochinois, l'administration coloniale a également masqué les différences sociales entre la majorité d'entre eux issus du monde rural vietnamien et la petite partie de ceux qui avaient eu accès à l'enseignement franco-indigène au Vietnam. Cette élite a cherché désespérément à se conformer aux normes de la bourgeoisie occidentale. Cette soif de reconnaissance s'est exprimée non seulement dans les manières de s'habiller, mais elle s'est insinuée jusque dans les attitudes corporelles. Liemke Lugerne souligne que ce sont les membres de cette élite maîtrisant la langue française qui ont joué le rôle essentiel dans la construction de l'image collective de leur communauté. C'est parmi eux que l'on trouve la plus forte proportion des Indochinois qui sont restés en France. Et ils sont aujourd'hui les plus actifs dans les revendications mémorielles, notamment dans les demandes de réparation adressées à l'État français. Les ouvriers et les paysans qui ont été rapatriés au Vietnam n'ont jamais pu, quant à eux, accéder à cette parole publique. Merci Gérard Noiriel. Le pourquoi du comment à retrouver sur franceculture.fr et l'application Radio France. Bonjour Valérie Hanin. Bonjour Xavier. Je construis, tu construis, nous construisons l'Afrique nouvelle. Valérie Hanin, vous êtes directrice de rédaction du magazine L'Histoire. Et l'histoire, ce mois-ci, porte la vie et la mort de la France-Afrique. Et oui, la France-Afrique, une étrange co-construction post-coloniale qui a fort mauvaise réputation aujourd'hui. Et pourtant, ça ne s'entend pas très bien à la radio, mais France-Afrique, ça peut s'écrire de deux façons. Comme on l'a fait sur la couverture, en deux mots, avec deux majuscules. Hein, c'est comme ça que l'écrivait Houphouët Boigny en 1955, quand il était ministre délégué et participait à la loi cadre de Gaston Defferre à cette construction d'une coopération. Il deviendra le président ivoirien et il sera un des meilleurs piliers de cette construction gaullienne qu'était la France-Afrique. Simplement, ça a beaucoup changé 30 ans plus tard, dans les années 90, hein, au moment où France-Afrique s'est écrit en un seul mot, avec un C cédille, et ça rimait avec fric, avec argent sale, avec réseau, avec barbouze. Et là, de cette affaire-là, Jacques Foccart est devenu un symbole tout à fait décrié, qui était le... Alors, il avait du pouvoir, hein, il était l'indéboulonnable secrétaire général des affaires africaines et malgaches à l'Élysée. Il faisait, il défaisait les ambassadeurs, il activait les réseaux et il est associé à cette affaire. Mais dans ce dossier, avec l'aide de Jean-Pierre Batte, hein, qui connaît très bien toute cette affaire et qui est archiviste, on a voulu sortir de la légende et montrer comment les archives, Monsieur sans archives, en fait, c'était à léguer 400 mètres linéaires d'archives, Focard. Et avec ça, la France-Afrique, nous dit Jean-Pierre Batte, devient un objet d'histoire comme un autre. Alors, c'est intéressant de voir, enfin, ce qu'on voulait montrer, comment l'histoire, les archives peuvent apaiser les querelles et, au fond, apaiser l'histoire, tout simplement. Et volontairement, on a mis dans ce dossier un entretien avec Vincent Duclert, car c'est aussi le pari qu'a fait Emmanuel Macron en 2019, en nommant Vincent Duclert à la tête d'une mission sur les responsabilités de la France au Rwanda, dans ce génocide des Tutsis, hein, il y a exactement 30 ans, avril-juin 1994, eh bien, faire le pari des archives. Et cette mission nous explique comment, au fond, même avec le génocide, enfin, même avec la présence de la France au Rwanda, dans une ancienne colonie belge, aux frontières hein, de son empire colonial, ex-empire colonial, eh bien, comment la France s'est trouvée empêtré dans un enchaînement qui fait froid dans le dos, comment on se retrouve au cœur de cette logique post-coloniale faite d'illusions, l'illusion que à partir d'un système de domination très dissymétrique, eh bien on peut espérer construire un système égalitaire. Et ça, cet espoir, ces archives, cette coopération qui a vraiment existé, tout ça, on le raconte. Et puis cette décomposition tragique, dont on assiste aujourd'hui au dernier élément. Et on a laissé la conclusion au grand intellectuel africain Achille Mbembe, qui nous dit « La France aujourd'hui en Afrique, c'est un acteur secondaire ». Et ben voilà, c'est la conclusion de ce dossier Vie et mort de la France-Afrique, le numéro de l'histoire qui, alors là, éclaire tellement l'actualité avec, et vous l'avez dit Valérie, une actualité vive. Merci beaucoup. C'était Merci, le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau et Sam Bakias avec aujourd'hui à la technique Sébastien Royer. Émission préparée par Jeanne Delecroix, Toscane Dudès, Jeanne Copain, Mathieu Copal et Maïwenn Guizhou. À retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.